Son Bouddha de ruban, Lupo Tera, la mio, la mimi, la mimi, Lupo Tera, comme c'est maridera, somblant le soulier de mamie, somblant son Bouddha de ruban, Lupo Tera, la mio, la mimi, Lupo Tera, comme c'est maridera, Lupo Tera, la mio, la mimi, Lupo Tera, comme c'est maridera. Somblant le soulier de mamie, somblant Bouddha de ruban blanc, sont pas comme co le soulier de mamie, sont pas comme co Bouddha de calico, sont pas comme co le soulier de mamie, sont pas comme co Bouddha de calico. Tu vas au bal pour faire d'autres belles, tu vas au bal pour faire d'autres amants. Tu trouveras des filles jolies, mais pour t'aimer, non jamais comme moi. Tu trouveras des filles jolies, mais pour t'aimer, non jamais comme moi. Si elle ne prend pas garde, elle n'y verra plus. Ma Jeanneau a le nez tordu. Si elle n'y prend pas garde, elle sentira plus. Ma Jeanneau a la bouche perçue. Si elle n'y prend pas garde, elle se bavera dessus. Ma Jeanneau a le menton poilu. Si elle n'y prend pas garde, elle marchera dessus. Ma Jeanneau a les dents pointues. Si tu n'y prends pas garde, elle te croque tout cru. Ma Jeanneau a le cœur fondu. Si tu n'y prends pas garde, elle t'aimera plus. Ma Jeanneau, ma Jeanneau, ma Jeanne.